cette lumière si lointaine. Beaucoup trop loin de moi, celle qui n'éclaire guère mes nuits, c'est toi Sarah, c'est toi Sarah. Moteur à la Kisapanzela, Bazara toujours si manaillé. Côté manaï, tu connais la boule. Pour la mettre à côté, ça nous roule dans le bouton, même là. Pour la petite manaï, c'est le bruit dans mon pied, oui. Pati mokonde onatra yena edo litoboli sabango baza na molongo monte maranga isi bashoke ya Kukupa, oye baba nani baga majalu na yo.